Ah, les couleurs! Nous, chez Bétonnel, on les fait toutes. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un rose botte de pluie. Mais s'il vous plaît, si vous voulez la couleur des yeux de votre chum, amenez pas juste les yeux. Bétonnel, le vrai magasin de peinture. Avec ses invités toujours al dente, ses trucs riches en saveurs, son rire contagieux, José Di Stasio vous prépare à chaque semaine une heure délicieuse qui se mange toute seule. À la Di Stasio, vendredi 21h à Canal Vie. La première bouchée la plus intense, jusqu'à la deuxième. Le goût intense des fèves de cacao africain, finement apprêtées par ce légendaire chocolatier belge. Goûtez à l'intensité du chocolat Côte d'Or. À déguster une fois le soleil couché, quand une bouchée en attire une autre. Imaginez d'abord ce que vous avez toujours désiré d'un VUS. Regardez ensuite ce que propose la Subaru Forester. Subaru Forester, un VUS entier qui ne fait rien à moitié. Enfin de retour chez Future Shop, les rabais familiaux. Achetez un ordinateur portatif MacBook avec processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 MHz et obtenez un rabais de 25%. Future Shop, les plus bas prix garantis. Bonjour, c'est moi votre chauffe-eau. Vous le savez peut-être pas, mais je suis fatiguée. L'âge d'un chauffe-eau, c'est comme l'âge d'un chien, ça. Faut multiplier par 7. Fait qu'appelez donc Hydro-Solution. Dans 3, 2, 1, action! Tu aimerais que ta vidéo soit vue par des millions de personnes? Sors ta caméra et réalise une publicité sur le bénévolat. Cours la chance de l'avoir diffusée plusieurs dizaines de fois à la télé. Tu trouveras plus d'infos sur le concours du Centre d'action bénévole de Montréal au www.setunconcours.com.